Bonsoir messieurs, dames et bienvenue au centre de l'universalité pour cette conférence en compagnie de Daniel Kemp. Alors comme il y a beaucoup de nouveaux visages dans la salle, certainement en rapport avec l'action efficace menée à l'extérieur, c'est-à-dire sur les ondes par Daniel Kemp, pour ces nouvelles personnes, je vous rappelle comment se déroule une soirée type, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un premier interview d'une heure. Ensuite de quoi il y a une pause et une deuxième partie où on vous demande de poser vos questions par écrit. Donc lorsqu'il y aura la pause, il y aura des petits papiers à cet usage qui seront prêts dans la salle d'accueil. Vous préparez vos questions et vous serez gentil de nous les apporter en avant dans la deuxième partie. Donc je poserai ces questions-là de votre part à Daniel Kem. Je vous rappelle également que la première partie est tout de suite disponible sur cassette à la pause. Et qu'à l'achat de votre billet pour la prochaine conférence de Daniel Kem de vendredi prochain, vous pouvez bénéficier de cette première partie enregistrée sur cassette gratuitement. Donc à l'achat du billet aujourd'hui pour la semaine prochaine, première partie gratuite. Dans les autres annonces, je me dois de vous annoncer que le dernier tirage qui a eu lieu lors du dernier symposium a fait un heureux gagnant en la personne de Monsieur Michel Roy qui s'est mérité donc une fin de semaine de voile sur le lac Champlain à bord du voilier La Lubie au mois de juin. Alors, dans le prochain symposium qui aura lieu le 23 février, il y aura un autre tirage, même prix, même valeur. Et je vous invite aussi à vous procurer ces billets puisqu'il y a une assistance pas mal considérable lors des symposiums. Je vous rappelle que ces journées-là qui commencent à 13h30 et finissent à 21h30 avec un panel, ces journées-là, on regroupe 4 conférenciers sur un thème. Le thème, c'est l'homme nouveau. C'est un thème très général. Ça aborde la nouvelle conscience, la conscience supramentale. Et chacun des conférenciers déploie une des facettes particulières à son expérience concernant l'intégration de ces nouvelles énergies. Alors le prochain symposium, c'est donc le dernier dimanche du mois de février. Les symposiums, c'est toujours les derniers dimanches de chaque mois. En ce qui concerne les activités de Daniel Kemp, il va y avoir un séminaire prochainement sur l'homme et la femme nouvelle que donnera Daniel Kemp en personne le 1er et le 2 mars prochain. Pour des informations ou pour des inscriptions, voyez Monsieur Mario Gosselin qui se trouve tout de suite à la réception dans la salle d'accueil. Également, il va y avoir un cours d'art d'EM, les arts martiaux, là, mis sur pied par Daniel Kemp, pour les enfants. Alors ça, c'est une innovation, c'est quelque chose de très intéressant. Si vous avez des enfants que vous voulez initier aux arts martiaux, il y aura donc une session spéciale donnée par Daniel Kemp. Voyez pour cela aussi Mario pour les informations. La prochaine conférence de Daniel sera donc le vendredi 14 et ça sera intitulé « Le rôle des prophètes ». Je vous rappelle également que Daniel Kemp est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Il n'y a pas d'autre terre, pas d'autres hommes ». Qui est un roman initiatique écrit il y a quelques années déjà, je ne sais pas, ça doit faire 7 ou 8 ans à peu près, que je vous engage à vous procurer, que vous pouvez faire lire également à des enfants 12-13 ans ou des jeunes adolescents. Hein. Et aussi pour vous-même également, il y a beaucoup d'informations très intéressantes là-dedans, sous le couvert d'une science-fiction en quelque sorte. Ça raconte, après les événements planétaires de fin de cycle, comment... se sont regroupés des survivants sur une île et quels ont été leurs objectifs ou leur façon de faire pour reconstruire une société sur des bases nouvelles. Alors, on ne va pas attendre les événements de fin de cycle pour parler de la nouvelle société. Avec celui qui a été le promoteur de cette opération d'envergure que l'on appelle aujourd'hui l'homme et la femme nouvelle sur les ondes, en compagnie de Monsieur Daniel Kemp, que l'on accueille. Bonsoir Daniel. Une musique assez solennelle peut-être pour aborder le thème de ce soir, puisqu'il s'agit de parler aujourd'hui des maîtres du monde. Donc en quelque sorte des personnes qui ont atteint la maîtrise en fait, la maîtrise totale, la maîtrise de leur corps, un peu comme le propose le programme Maître Contrôleur. Ce qui ne veut pas dire que les Moïse, les Yeshua et les Salomon ont suivi le programme Maître Contrôleur, puisqu'il n'existait pas en ce temps-là.

Ça passe